طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. طيب ما هو الاسم الشرعي القريب عندك يا وهبي؟ نعم. Vous entendez là? نعم. رابروشي بس قم بعد يا عبد الله رابروش بس. المؤنث أو مذكر؟ مذكر. هذه مذكرة. هذا. Avec un exemple, c'est bien de donner un exemple. Maintenant, vous savez c'est quoi Muqtada en khabar. Hada. Hada tajila. Hada tajila. Hada kitabun. Taïb. Hada kitabun. Taïb. Il y a un exemple. Aql. On dit tajila. Hada majidoun. Aql. Aql. Aql, ça veut dire quoi? Hada muhammadoun. Hada muhammadoun. Très bien. Les mouannath, qarib, hadihi, un exemple. Hadihi, siyaratun. Un exemple, aql. Hadihi, tabibatun. Mithal, l'ilba'id. Tilka. Tilka. Siyaratun. Tilka, siyaratun. Wa mudakar. Un exemple. D'alika rajoun. D'alika rajoun. Comment on dit une infirmière? Moumaridatoun. Un jardin? Hadiqatoun. La canne? La femelle du canard? Batatoun. Batatoun. La chamelle? Nerkatoun. Les œufs? Bairatoun. Comment? Bairatoun. Bairatoun. طيب بسم الله الرحمن. On a vu le texte hier dans le son vita الدرس الثاني. بسم الله يا خنا. Grande اقرا واكتب c'est de la lecture. بسم الله عبد الكريم vas-y. من هذا لا le grand exercice grand 2. هذا الولد خالدون خالدون خالدون وذلك الولد الولد محمود لا لا محمد طيب هذا الولد خالدون وذلك الولد محمد ان شاء الله j'ai plus besoin de dire aux la voix là il y a pas de bruit là hein tout le monde doit dire à voix haute là بسم الله suivant هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس ما شاء الله tout le monde dit comme Wahhabi c'est bien. هذا البيت التاجري هذا البيت التاجري سيبك بليزينا هذا البيت سلا سلا grand 2 هذا الكتاب جديد جديد هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم قديم نعم شيفو هذه السيارة لعلي وتلك لخالد هذا لينب لي كوا ها سي كوا سو مول لب دو غزان يخي عنب لا tu fais pas exprès محمد كمان C'est pas... Oui, dis-moi où il y a un aïn. C'est ça que je comprends pas, moi. Où il y a un aïn pour dire aïnab? Alif ou alam, après. Il y a quoi? Il y a un aïn? Meftouhoun. Meftouhoun, meftouhoun. Meftouhoun wa dalika babou. Al-babou. Wa dalika al-babou. مغلقون هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلقون لمن هذه السيارة رياض بيان السيارة رياض بيان الله يحفظك تي دون بون اكزرسيس ها سي بون طيب vas-y alors le numéro la ligne 6 personne dit ah إيمان هذه ساعة نعم هي لعباس très bien لمن هذه الساعة هي لعباس هذا البيت للطبيب لا هو للمدرس هذا البيت للطبيب لا هو للمدرس وسيفون هذه دراجة لابن دراجة أو دراجة دراجة très bien هذه دراجة لابن المؤذن لابن المؤذن المؤذن très bien ما شاء الله هذه دراجة لابني المؤذن نعم من هذا الولد هو طالب من الصين essayez de prononcer هو طالب هو طالب من الصين suivant أذلك البيت جديد لا هو قديم جدا هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا هذه سيارة من اليابان وتلك من أمريكا suivant هذا السكين من ألمانيا من ألمانيا وتلك الملعقة من إنجلترا نعم grand 3 اقرأ المثال الآتي ثم حول الجمل الآتية مثله lis les exemples suivants puis حول الجمل الآتية مثله après il te demande de changer les phrases suivantes طيب مثال هذا كتاب هذا الكتاب لمحمد طيب là on a fait entrer quoi l'alif wa lam dans le khabar طيب ici ça s'appelle plus un khabar al badal et ça vous le verrez inchallah dans le livre numéro 3 طيب inchallah en quelque sorte tu peux dire lil muhammadin c'est là où une sorte de khabar طيب quand c'était hada kitabun hada mubtada kitabun khabar mais ici le fait que tu l'as rendu ma'rifa après dans le deuxième exemple hada الكتاب لمحمد هذا مبتدا الكتاب خبر بدل c'est-à-dire هذا الكتاب c'est la même chose طيب mais ça vous le verrez plus tard بإذن الله تعالى طيب on fait le 1 tous ensemble هذا الطبيب on dira quoi هذا الطبيب من الهند tout le monde a compris l'exercice محمد le but d'exercice c'est juste de faire entrer un livre ou un livre ou un lam ça va vous avez compris l'exercice si vous tournez la page voilà هذا طبيب le mot qui vient après هذا il faut lui mettre alif wa lam c'est à dire quoi هذا الطبيب من الهند c'est compris là c'est à dire il devient ma'arifa t'as fait celui là هذا سيارة هذه pas هذا هذه سيارة هذه السيارة C'est-à-dire, elle devient ma'rifa. Hadi sayaratu. Naam. Al-mudiru. La, l'il-mudiri, regardez bien, il y a un lam. Ah, je vais vous faire... Hadi sayaratu, l'il-mudiri. L'il-mudiri. Naam. Regardez la différence, barakallahu fikoum, dans une écriture. Quand il y a alif wa lam, tu verras que ce n'est pas accroché. Regardez là. Vous voyez là ? Le lam, il est rentré dans... C'est pour ça qu'on saura que c'est l'île Moudiri. Vous avez fait attention ? Voilà, regardez, c'est accroché là. Mais si ce n'était pas accroché, il y aurait quoi ? Il y aurait une ouverture là. Vous avez compris là ? C'est-à-dire, même s'il n'y a pas de tashkil, c'est-à-dire les signes, tu sauras que c'est quoi ? L'âme al-jar. L'île Moudiri, l'île Mohammed, c'est-à-dire quand il y a l'île fois l'âme. C'est compris ça, Inch'Allah ? Voilà. Suivant. Dalika al-waladu al-mudarrisi. Naam. Dalika al-waladu. ابن المدرس يوسف تلك الساعة من سويسرا نعم لسويس تلك الساعة من سويسرا يوسف هذا البيت lisez directement les frères هذا البيت للمهندس très bien هذا القلم لعباس هذا القلم لعباس يوسف ذلك رجل مؤذن مؤذن هذا البيضة هذه البيضة كبيرة نعم كبيرة نسيبا هذا منديل المنديل هذا المنديل واسخ واسخ هذه الحقيبة للمدرس. Très bien. هذه الحقيبة للمدرس. Tout le monde a compris, Inch'Allah ? Grand 4, il parle le mythal et l'ati. Qu'est-ce que c'est ? Sur le sens, si j'ai bien compris l'exercice. En fait, on a mis l'alif lam pour le rendre. Ma'rifa. Il devient ma'rifa. C'est tout. Voilà, il y avait juste ça à faire. Mais au niveau de l'i'arab, de l'année grammaticale, ce ne sera plus comme avant. Tu ne dis plus khabar. Voilà, ça, tu le verras après, Inch'Allah. Voilà. Le fait de dire hada tabibun min al-hind, hada mubtada, tabibun khabar, min al-hind. من حفجر الهند مجرور mais le fait d'avoir dit هذا الطبيب tu dis هذا مبتدا طبيب بدل après من الهند جر مجرور mais ça vous l'avez pas vu le بدل en quelque sorte vous comprenez c'est quoi c'est à dire هذا الطبيب هذا c'est qui Adam hein les frères vous êtes avec moi là الطبيب ah c'est docteur ça voilà hein الطبيب الطبيب c'est من c'est هذا هذا معنى البدل مفهوم اقرا المثال الاتي ثم كون اسئله واجوبه مثله طيب تتمند كو بارك الله فيكم لي لي زيكزامبل سويفون puis كون اسئله واجوبه puis forme des questions et des phrases et des questions et des réponses طيب مثال لمن هذا الكتاب هذا الكتاب tu diras quoi لمحمد vous avez compris là tout le monde dit طيب On fait le numéro ensemble. On a quoi devant nous ? Un stylo. Qalamun. On dira quoi ? Liman hadha al-qalamu. On dira quoi ? Hadha al-qalamu. Li'abbasin. Très bien. Vas-y, Abdelkarim. Liman hadha. Les frères. Liman hadha. Là, il n'y a plus de bruit. Normalement, tout le monde entend. Liman hadha al-miftahu. هذا المفتاح لعلي très bien لمن هذا المفتاح هذا المفتاح لعلي وسيوان لمن هذه السيارة très bien هذه السيارة للمدير très bien ما شاء الله لمن هذه البكرة très bien ما شاء الله هذه البكرة من لا لي للفلاحي هذه البكرة للفلاح لا للفلاحي للفلاح il fait quoi le travail لي on a dit il rend le mot d'après avec une كسرة vous vous souvenez بارك الله فيك لمن هذه البقرة هذه البقرة للفلاحي ça veut dire quoi فلاح يا عبا يا صبر فهمي très bien c'est bon لمن هذه الحقيبة هذه الحقيبة Très bien. هذا الكرسي لعمار. Très bien, suivant. لمن هذه الدجاجة هذه الدجاجة لبيتي الفلاحي. لا لبنتي. La fille du فلاح. La fille du fermier. Liman hadi dajajatu. Hadi dajajatu li binti al fallahi. Liman hadi sa'atu. Sa'atu, la. Sa'atu. Sa'atu, naam. Hadi sa'atu. Ça, on fait la même faute. Hadi sa'atu. Encore la même faute. Hadi sa'atu. Voilà. Al mudiri. لمن هذا البيت هذا البيت للطبيب. Très bien, ما شاء الله. Quelle est la différence entre ساعات et ساعة؟ La montre Non. Tu connais? T'as utilisé la montre au pluriel. ساعات. Ça c'est le pluriel. جمع مؤنث سالم. On le verra, Inch'Allah. طيب. Au suivant. لمن هذه الملعقة. Répète, répète. لمن هذه الملعقة؟ نعم لمن هذه الملعقة؟ هذه الملعقة للطالب. لا للطالب. للطالب. Très bien. Tout le monde a compris ce dar. Saber, vous avez compris, c'est bon? Tout, tout. C'est-à-dire, vous utilisez le lam ici, ça devient comme une appartenance. Vous me demandez لمن هذا الدفتر؟ هذا الدفتر لعبد الله. لمن هذا القلم؟ هذا القلم لعبد الكريم. Vous avez compris ? Si on vous pose la question à qui appartient cette chose-là, vous donnez la réponse en mettant le lam. Vous avez fait, c'est bon ? Voilà. Liman hadi siyara, hadi siyara li Cheikh Yahya. Ali, c'est-à-dire c'est la voiture de, c'est le stylo de, c'est le cartable de, ainsi de suite. D'accord ? Voilà. Et le travail, c'est quoi ? Ayman ? Voilà, ça fait combien de huruf djar on a étudié là ? Tu peux les 5, vas-y. Fi, ala, men, lam. Voilà, je répète ce qu'il dit le frère. Hein. Il a dit ala, fi, men, ila et ala. Vous êtes d'accord avec tout ce qu'il vient de dire ? Hein ? Je répète pour que Saber l'entende. Fi, ala, men, ila et lam. Hein. Min. Non, mais juste le frère, je vois. Là, il n'a pas dit min, il a dit men. C'est min ou c'est men? Men. Min. Et c'est quoi men? De A. Non, mais men, c'est quoi men? C'est quoi la différence entre min et men? Men, c'est pour. Tu dis min, min hada ou men hada? Men. Voilà, le frère, il a dit men au départ. D'accord? Et min, c'est le harf jar. Men, on l'utilise pourquoi ? C'est une question après une personne qui résonne. Men hada. Automatiquement, on attend quoi comme réponse ? Une personne à aql. Hada, on dira Abdel Hakim. On ne dit pas min hada. Kharajtu min al bayt ila al masjid. Le 5. Ta'amil al amthila al atiya. Al baytu fil bayti min al bayti ila al bayti. Al mustashfa fil mustashfa min al mustashfa ila al mustashfa. أمريكا في أمريكا من أمريكا إلى أمريكا ألمانيا في ألمانيا من ألمانيا إلى ألمانيا طيب ça ce sont quoi بارك الله فيكم les deux déjà terminaisons qu'on a étudié المرفوع et المجرور طيب et Allah allume le but de l'exercice ici il y a un endroit spécial dans le 3 c'est quoi المنقوص و المقصور c'est-à-dire ce sont des terminaisons comme ce mot-là qui est devant vous. Les terminaisons, elles apparaissent pas. Ça veut dire, regardez, al-mustashfa, fil-mustashfa, min-al-mustashfa, il-al-mustashfa. À la fin, c'est toujours la même terminaison. C'est toujours la même terminaison, mais il n'a pas la même place. Et ça, on le verra, Inch'Allah. C'est comme, par exemple, Isa. Tu dis, ja'a Isa, ra'itu Isa, nadartu ila Isa. C'est un prénom où, à la fin, il y a, c'est-à-dire, il ne bougera pas. Mais si je vous dis par exemple, Dia'a Muhammadun, vous me suivez là ? Ra'itu Muhammadan, Nadartu ila Muhammadin. Ça s'appelle, c'est pourquoi ? Parce qu'il est mu'arab et il accepte le changement, la modification. Et certains mots comme ça dans la langue arabe, il n'a pas la même place, c'est-à-dire sujet, COD et COI, mais la terminaison, elle ne change pas. Ce n'est pas la même place. Quand je te dis par exemple, Dia'a Isa, ici Isa il est quoi ? Fa'al. Quand je te dis Ra'aytu Isa, il est quoi? Mef'ul bi, c'est-à-dire COD. Nadartu ila Isa, il est quoi? Il est majrur, c'est-à-dire COI. Mais tu as bien vu dans les trois cas, ça a toujours été quoi? La même prononciation à la fin. Vous avez compris ça, non? Oui, bien ou? Mohamed? Qui a pas compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Non, c'est pas ça que je veux. J'ai demandé de comprendre le Mef'ul bi, les frères? Non, tu as parlé de ça. Est-ce que j'ai demandé de comprendre le Mef'ul bi? J'ai demandé au niveau des changements de voyelles. Le mef'ul bi, je ne vous ai pas demandé de comprendre ça. Le mef'ul bi, pourquoi je vous ai comprendre ça alors que ce n'est pas un dors du 1 ? Moi, je vous ai demandé pour que vous compreniez quoi ? Que certains mots, ils acceptent les changements. Ah, c'est-à-dire, ça se voit. Tu as dit quoi ? Hada, beytoun. C'est vrai, non ? Taïb. Et je te dis quoi également ? Dakhaltu fil beyti. Il n'y a pas une différence entre le premier beyt et la deuxième beyt ? C'était quoi le premier ? Il était marfou. Et le deuxième ? Majrur. Et majrur bimad à cause de quoi ? Du hafjar. Et là, on a un mot devant nous, c'est quoi par exemple ? Tu diras quoi ? Tu diras hadi mustashfa. C'est vrai ou non ? T'entends le son où ? Comme hadi baytoun ? Hein ? Voilà. Et si tu dis dakhaltu fil mustashfa ou fil mustashfi ? C'est pareil. Non, je te demande. Tu dis dakhaltu fil mustashfi ou fil mustashfa ? Et pourtant, il est précédé de quoi ? D'un hafjar. C'est ça que je vais te faire comprendre. Je ne vais pas parler de mef'ul bi. C'est qu'il y a des mots dans la langue arabe, ils ont une place de majrur, mais la voyelle, à la fin, elle n'apparaît pas. Et ça, c'est un dars d'endroit que vous le verrez bien particulièrement. T'as compris, Mohamed, ça? Et c'est quoi déjà ton prénom? Suleiman, Abdallah, décalé. Wahabi. Saber, c'est bon? Il y a qui c'est quoi que vous n'avez pas compris? C'est une règle différente que ce que tu as dit tout à l'heure, d'Akhatou. C'est-à-dire, il y a des moustachfi. La majorité des mots en langue arabe, ils sont mu'arab. C'est-à-dire que mu'arab en français, c'est déclinable. C'est-à-dire, ils changent. D'accord? Écoutez, les frères. Taïb. Ils sont déclinables. Parce que si j'explique à un frère, écoutez, ça, vous pouvez profiter. C'est-à-dire quoi, déclinable? Ça, il accepte le changement. Le changement des... Et certains mots, ils changent, mais tu ne le vois pas. Vous avez compris ça? C'est un peu, par exemple, voilà, barakallahu fikoum, comme hibou. Quelle que soit la place, il y a toujours quoi? À la fin? Un X. Voilà, grâce à là, on trouve un exemple, vous comprenez. Le mot hibou, quelle que soit la place, il a quoi? Vous dites un hibou, c'est vrai ou non? Il y a quoi à la fin? Non, mais la terminaison. X. Vous savez écrire hibou? Ouais, à la fin, il y a un X. Vous avez compris? Et vous dites des hibou et encore un X. C'est-à-dire, quelle que soit la place, il y a la même, toujours la même terminaison. Mais est-ce que c'est la même place au niveau de l'analyse grammaticale? Non. Vous avez bien compris ça? Voilà, c'est la même chose ça. Dans la langue arabe, il y a des mots, ils ont une même terminaison. Regardez bien, je parle visuellement. Mais au niveau de l'analyse grammaticale, ce ne sera pas la même. Quand je dis « Ja'a Isa », à la fin, on écrit avec, ça fait comme une sorte de vague, il y a. C'est vrai ou non? Ra'itu Isa, nadartu ila Isa. Il est prononcé dans les trois cas de la même manière. Est-ce que dans les trois cas, il a la même place? Non, dans le premier, il est sujet, fa'al. Dans le deuxième, il est mef'al, COD. Et dans le troisième, il est quoi? Majrur. Mais pourtant, il a toujours quoi? La même prononciation. À la différence que si je disais par exemple, Ja'a Muhammadun, Hunama wa fa'al. Il est sujet, parce que c'est lui qui a fait action de venir. Le deuxième, j'ai dit Ra'itu Muhammadan. Il est quoi? Mef'al bi, COD. Et on sait qu'il est saudé parce qu'il a changé de quoi? De voyelle. Et nadartu ila Muhammadin. Hada, c'est comme ça, c'est des mots d'exception comme Mustachfa, America et Allemagne. Tout le monde a compris, Suleiman? Mohamed, c'est mieux là? Et Mahdi? Mieux? Ça y est là? Barakallahu fik. Taïb. Il y a des autres exemples comme Isa, Moussa. Taïb. C'est comme si tu dis par exemple, Daraba, Moussa, Isa. Rien n'apparaît là. C'est vrai ou non? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils disent les grammairiens? Il n'y a pas d'astuce à faire ici. Le premier, il est sujet, le deuxième, il est COD. Vous avez compris? Quand quelque chose n'est pas clair au niveau des terminaisons, tu dois donner la première place sujet, le deuxième, COD. Mais si j'aurais dit par exemple, Daraba Muhammadan, par exemple, Zaydoun. Il est où le sujet ici? Marfoua. C'est Zaydoun. Même si on a, par exemple, on a mis le COD avant, mais on sait que par rapport à la fin du mot, on sait que c'est ça qui est sujet. Mais quand on dit, par exemple, Daraba, Isa, Moussa, là, on ne peut pas dire, par exemple, si je dis à Iman, fais-moi l'analyse grammaticale, il me dit, Daraba, Moussa, Isa, je lui dis, non, le sujet, c'était Isa. Et hop, je ruse avec lui, là. Là, il n'y avait pas d'indice, ah ben, on laisse comme il est. Parce que ce sont des mots où la terminaison ne change pas. Taïb. اقرا واكتب طيب بسم الله وزي ايمن لي كرون هذا الطبيب من انكليتير نعم tu lis comme tu peux ça c'est les noirs jamais le cheikh rahimallah disait نتصرف كما نريد c'est-à-dire tu lis comme tu peux tiens au suivant Hamid oh يخي حامدون ذهب حامد الى فرنسا regardez là est-ce qu'on dit la France pourtant il est précédé de quoi hafjar le hafjar on a dit quel travail il fait il rend le mot d'après majrour et le signe du majrour c'est quoi la kasra très bien Abdallah c'est ça qu'on a étudié et pourtant là on n'a pas dit il a français ce sont des mots ça veut dire il s'écrira toujours de la même manière mais il n'a pas la même place au niveau de l'analyse grammaticale français ici il est quoi Majrour, c'est comme si tu dis quoi? Dhaaba Hamidun ila al-Bayti. Vous me suivez là? Et c'est la même chose, Dhaaba Hamidun ila Fransa. Au niveau de l'analyse grammaticale, c'est la même chose. Mais c'est quoi qui a changé? C'est que ça, la kasra elle n'apparaît pas dans le français. Dhahaba Hamidoun ila al-mustashfa. Pareil. Vous, madame? Bismillah, au suivant. Mahmoudoun. Mahmoudoun. Maridoun. Quand je vous corrige, essayez de répéter. Hein. C'est bien, comme ça au moins vous progressez. Vas-y. Huwa al-ana. Fil mustashfa. Ça veut dire quoi le mustashfa? L'hôpital, taïb. Au suivant. Il a une clitère. Non. Ah, grâce à Allah, regardez, il vous a donné des exemples sur ce qu'on parlait. Tu vois? Issa et Moussa. Est-ce qu'on a dit il a Issaï, il a Moussaoui? Là, il a Issa et il a Moussa. Mais faut? Tout le monde a compris, Inch'Allah, maintenant. Barakallahu fikoum. Hazal Mohandisou, min Amerika. Très bien. Taïb. Iqra, grand 6. الصبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس. طيب الدرس لا سأقول دو كوا الظرف المكان. En quelque sorte c'est quoi les compléments de circonstanciel de lieu ou de temps. Ça correspond ça en français. Mais faut madame. طيب. C'est compris ça s'appelle un ظرف مكان. C'est-à-dire c'est un lieu. طيب. Le ta'arif en arabe, ils disent quoi? Ma yadullu ala makan waqa'a fi al-hadath. C'est-à-dire où l'action elle s'est produite. C'est compris ça, ça veut dire? Quand vous allez étudier amama et khalfa, c'est-à-dire où il y a l'action. Par exemple, si je vous dis safartu laylan. Safartu laylan. C'est-à-dire mon action de voyager, elle s'est faite quand? La nuit. C'est un temps. Jalastu taht shajrati. En dessous de l'arbre. Le fond, c'est ça. Soit c'est un temps ou soit c'est un lieu. Et le mot qui vient après, il sera avec un majrur. Amam talibi. C'est-à-dire amam mudaf et talibi mudaf il est. Taïb. Vous avez compris ça? Il n'y a pas de problème. Adzarf makan, tu diras ma yadullu ala makan waqa'a fi al hadath. Hada wa adzarf makan. Ma yadullu. C'est-à-dire quoi en français à peu près? Ça signifie l'endroit où s'est produit l'action. Ça c'est le makan, l'endroit. T'as tu te répètes? T'as écrit quoi là? Ala makan. Fihi. Fihi. T'as fihi, c'est-à-dire l'endroit. T'as et le deuxième darf zaman, c'est la même signification, mais l'endroit, ce sera quoi? À la place de makan, tu mets waqt. T'as ما يدل على وقت وقع فيه الحدث. Après je vais le dire en français, on va l'écrire inchallah. C'est-à-dire le premier darf makan c'est quoi? Ça signifie l'endroit où s'est produit l'action. Vous avez compris ça? Jalastu taht shajra. Mon action de m'asseoir s'est produite sous l'arbre. Hein? Safartu laylan, j'ai voyagé quand? En pleine nuit. Vous avez compris ça? Hada wa. طيب. Est-ce qu'il va vous aider un petit peu à comprendre c'est quoi un darf? Il y a un sous-entendu de fi. Safartu laylan, c'est-à-dire quoi? Safartu fil layl. Vous comprenez ça? Il y a un sous-entendu. Et quand par exemple, là dans l'exemple, as-saburatu amam at-talibi. Quelqu'un va me dire quoi? Fi. Tu diras quoi? As-saburatu fil makan alladhi amam at-talib. Vous avez compris ça? C'est-à-dire il a un sous-entendu de fi. C'est-à-dire quoi? Comment on dit sabura? Le tableau est dans quoi? Il est dans l'endroit où il y a l'élève. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ayman, c'est compris? Mohamed, bien ou? Abdel Hakim, Mahdi, Mohamed, bien ou? Suleiman, c'est vrai? Non? Non. Taïb, mashallah. Waya khalfa al-mudarrisi. Taïb. Alors on a dit quoi? Al-dharf al-makan au zaman comme amama wa khalfa. Ce qui viendra après, il sera mudafilé. Hein, on dit amama talibi, khalfa al-mudarrisi. طيب هذا هو الاصل ça veut dire le mot qui vient après il est quoi il est majrur bil idafa. طيب Amam, ça veut dire quoi? Devant. Et khalf, derrière. Oui. Très bien, machallah. Il n'y a pas de modaf. Si, c'est khalf. Très. Il est majrour, mais l'idaf. Hein. Tu vois? C'est pour majrour aussi. Non. Comment? C'est majrour aussi. Ou... Là, tu dis pas, c'est majrour. Il est modafilé. Il est majrour, mais l'idaf. Non. T'as compris? On va dire, Inch'Allah. يقرأ الصبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس. Tout le monde a compris, Inch'Allah, ça, cet exercice-là. Wahabi, Abdelkarim. Allez, vas-y, alors lis le but. Comment? Ouais, à voix haute. أين سيارة المدرس هي أمام المدرسة. Très bien. أين سيارة المدرس هي أمام المدرسة. أين بنت أين بنت الإمام بنت الإمام خلف المسجد. Très bien. Toi, t'as dit بنت ou بيت؟ Je dis بنت. Non. أين بيت الإمام؟ Ah, بيت الإمام خلف المسجد. طيب, au suivant. أين جلس حماد؟ حامد. حامد. Prononcez le ح. حامد. أين جلس حامد؟ Très bien. جلس. جلس. جلس خلف. جلس خلف محمد. محمود. محمود. جلس خلف محمود. Très bien, ما شاء الله. محمود il est ici, là, il est majrour à cause de quoi? Il y a pas de حرف جر pourtant avant. À cause du ظرف. Le mot d'avant, khalf. C'est lui la cause qu'il a rendu Mahmoud avec une kasra. Majro. Suivant. Dhahaba Ammaru ila al-Masjidi. Répète. Dhahaba. Dhahaba. Ouais. Dhahaba Ammaru. Ammarun. Ammarun. Barakallahu fik. Dhahaba Ammaru ila al-Masjidi wa jalasa amama al-mihrab. Très bien. Inch'Allah, tout le monde a compris, hein? Taïf. Al-Kalimatu al-Jadidatu. Al-Mustashfa, on a dit, ça veut dire quoi? L'hôpital, voilà. Allemagne, l'Allemagne. Angleterre, l'Angleterre. Suisse, la Suisse. Essekin, le couteau. France, la France. Amam, devant. Et Khalf, c'est derrière. Tu peux répéter Angleterre ? Angleterre. Angleterre. C'est pas Angleterre. Comme tu veux. Ah. Taïb, quelqu'un a une question par rapport à ce dars ? Amam, ça peut dire à côté. Oui, bien sûr. C'est-à-dire devant, à côté. Par exemple, tu me dis Aïna Zé, ça t'ajoute à Mamek, devant toi, ou à côté, je laisse à Mamel Ach. Tu vois? Par exemple, Abdelkarim me dit Aïna Sajis, je laisse à Mamel Wahabi, à côté de Wahabi. Tu vois? Tout dépend comment tu l'emploies, il peut avoir un sens également de à côté, devant, à côté. Tu nous as dit que ça pouvait parler du temps et du lieu. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un exemple en rapport avec le... Parce que là, c'est que du lieu. Ça, ouais, voilà. Un temps, tu veux? Ouais. Comme je t'ai dit, par exemple, Safartu, Leylan. Leyl, c'est quoi? Non. C'est un temps. Non. Safartu, Safara, ça veut dire quoi? Non, j'ai voyagé. Voyagé, quand est-ce? La nuit. Pendant la nuit. T'as compris? Leylan, ici, il est dans quoi? Zaman. Par exemple, je te dis, Nimtu Sa'atan. C'est un temps. Ah, Kaba. Et ça, c'est quoi? Le frère a profité des questions des frères. Abdel Hakim. Hein, le frère a posé une question et on a fini. Tu vois? Et ça, on l'a déjà dit déjà. T'as compris là? T'as pas compris? En fait, c'est pas parce que là, je suis centré sur Mohamed et Khalf. J'ai pas compris. J'étais par rapport à. J'ai cru que ce que tu disais par rapport au temps et au lieu, c'était en rapport avec Khalf et MM. Khalf, c'est quoi? C'est pas un temps. Non, mais j'écoute que comme l'exercice, il était par rapport à Khalf. Non, moi je vous donne, il y a deux types de dharf. Il y a dharf zaman et dharf makan. Voilà. Et le dharf makan et zaman, c'est comme ça. C'est soit khalf, amam, ou par exemple safartu leylan. Et je vous ai donné après la signification. Soit c'est l'endroit où s'est produit l'action, ou soit c'est quoi? C'est le temps où s'est produit l'action. Un exemple par rapport au temps. Un exemple maintenant par rapport au lieu, c'est par exemple. Jalastu tahta shajara. Jalastu tahta shajara. L'action, c'est quoi l'action ici? Ouais, mais c'est quoi pour que tout le monde comprend en français, c'est quoi ton action ici? Je me suis assis. L'action, c'est de s'asseoir. Non. Et elle s'est faite où? Dans un lieu ou dans un endroit? Dans un endroit. Hein? C'est-à-dire dans un temps ou dans un endroit? Dans un endroit. Et c'est quoi cet endroit? Ah, bah, sous l'arbre. Non. Je t'ai dit, j'ai voyagé en pleine nuit. C'est quoi? C'est un temps ou un endroit? Non, c'est un temps. Voilà. Non. C'est-à-dire le dharf, imma zaman, imma makan. Le dharf, c'est lequel là? Le dharf, c'est le mot en lui-même, Allah. Ouais, mais c'est lequel là? C'est-à-dire, c'est lequel? Non, je pense que c'est peut-être moi qui... Non, tu t'es rendu les choses difficiles. Tu croyais que... En fait, attendez, les frères, un instant. Ici, le dharf, ici, c'est khalf. Taïb. Quand tu dis ça, fartou laylan, aïn le dharf? Laylan. Jalastu taht el shajra. Aïn le dharf? Taht. C'est comme en français, complément circonstanciel de lieu ou de temps. Je me suis assis sous l'arbre. Il est où le complément ici? Sous. J'ai voyagé en pleine nuit. De nuit. Voilà, dans la nuit. Et là, il y a un sens de fi. Après, je vous ai donné quoi? Un indice qui vous permet de quoi? De trouver le dharf zaman ou makan. Il a un sous-entendu de fi. Soit tu le sens comme quoi? Safartu laylan, safartu mada fi layl. D'accord? Quelqu'un, il aurait pu me dire, mais Abdelrahman, dans cet exemple-là, djalastu amama al-masjid. Est-ce qu'on dit djalastu? Par exemple, ou je dis, par exemple, djalastu inda Ayman, est-ce que je dis jalastu inda fi Ayman? Là, jalastu fi mada fi makan alladhi fi Ayman. Vous avez compris ça? Vous avez compris là? C'est-à-dire le fi, c'est quoi? Je me suis assis dans l'endroit où il y a Ayman. Pas dans Ayman en lui-même. On ne peut pas s'asseoir. Mais j'ai voyagé dans la nuit. C'est-à-dire quoi dans la nuit? Durant cette période-là. Vous avez pas compris? Si. Tout le monde a bien compris ça? Jalastu tahta shajara. Tu t'es assis où? Dans l'arbre ou dans l'endroit où il y avait l'arbre? هذا معنى جلست في المكان الذي في ماذا الشجرة مفهوم هذا؟ ils ont l'action de rendre le mot d'après مجرور. Quelle question? C'est bon, Suleiman? Tout le monde a bien compris, Mohamed? Bien, tout est clair, hein? Abdullah? C'est qui? Pas la soukane. Non, la maison on l'a étudiée déjà. Il va trouver le frère, inshallah. Il y a deux dictionnaires dans la maktaba. Taïb. Il a là, demain. Excusez-moi pour le retard, j'étais avec un frère et... Ça va, c'est...